Chapitre 2 Fantôme. Son cœur était pris. À la vérité, elle ne l'avait pas défendu, car elle voulait un maître, et elle se sentait faite pour la servitude, la douce servitude des âmes tendres, qui porte comme un trophée les chaînes de l'amour, et comme un diadème la couronne d'épines des épreuves. Ce n'était pas dans les enivrantes fêtes du monde qu'elle l'avait rencontré. La lumière, un peu aveuglante des candélabres dorés, n'avait jamais enveloppé de son chaud rayonnement la tête un peu mutine de cette libre fille des champs. Mais le cœur se réveille, aussi bien dans le calme endormeur de la vallée que sur les cimes bruyantes qui regardent le ciel. Et les amitiés qui naissent au soleil de la prairie ou sous la ramure parfumée gardent toujours quelque chose de leur suavité première. Ensemble, au jour de leur enfance, ils avaient fréquenté l'école du village. Elle, plus jeune et plus studieuse, lui moins adonnée à l'étude qu'au jeu, y regardant souvent d'un œil coquin, par-dessus son livre ouvert, la petite écolière du banc voisin. Ils avaient marché, poussés par la foule, qui se hâte vers l'avenir, et 15 ans après, Joséphine Duvallon, la petite studieuse d'autrefois, était une grande brune, fraîche et rose comme un fruit mûr, et Mathias Padrol, son petit ami, robuste, large d'épaule, la lèvre marquée d'une moustache noire, en accent circonflexe, passé à bon droit pour le plus farot de la paroisse. Il n'en était pas le plus beau. Jean-Paul Duvallon, le frère de Joséphine, avait meilleure tournure. Puis son œil bleu, plein de rêves, troublait agréablement les jeunes âmes. Les sensibles villageoises se tournaient vers lui comme les marguerites des prés se tournent vers la lumière. Mathias aurait été jaloux s'il n'eût aimé la sœur de son ami. Un jour, ils partirent ensemble, Mathias et Jean-Paul, pour courir après la fortune. Ce fut un jour de deuil pour leur famille et pour la jeunesse de la paroisse. L'absence avait duré 3 ans. Et les jeunes voyageurs parlaient de leur retour au pays. Cependant, Mathias revint seul. Il avait le teint bronzé par le soleil, les mains gercées par le travail, le front traversé par une ride, le regard chargé d'une lueur singulière. Avec cela, tout fier d'être au milieu des siens, pendant que ses compagnons peinaient encore là-bas, dans les montagnes de la Californie, le pic à la main pour déterrer les filons d'or, le pistolet à la ceinture pour se défendre contre les bandits. Lui, il avait été très heureux. Sa bêche infatigable avait découvert d'inépuisables veines, et il avait marché dans la poussière d'or comme d'autres marchent dans la boue. Il ne s'était pas montré souvent dans les rues de San Francisco, redoutant les appels séduisants des chopes mousseuses, des tapis verts, des alcôves sombres. Il avait mieux aimé la vie solitaire dans les âpres montagnes, les jours laborieux, les nuits reposantes sous les rabots embaumés. C'était lui qui disait cela. L'espoir d'éblouir sa paroisse par l'éclat de sa fortune avait été un aiguillon puissant. Il ne le cachait pas. Il aimait les richesses, et dans sa vanité, il ne lui déplaisait nullement d'éclabousser ses amis restés gueux. Maintenant, l'heure du repos sonnait, et il allait jouir en paix du fruit de ses labeurs. Il se promettait une longue existence de plaisir. Bien des jeunes gens lui portaient envie et regrettaient de ne l'avoir pas suivi au pays de l'or. Il ne songeait point aux autres qui n'étaient point revenus, à Casimir Pérusse, à Robert Dulac, à Jean-Paul Duvallon, le frère de Joséphine, la sage petite écolière d'antan. Oui, ce Mathias Padrol, il faisait bien des jaloux. Le lendemain de son arrivée, on était venu le voir d'une lieue à la ronde. La maison s'était remplie. On avait ouvert la chambre de compagnie, comme pour le curé. Et c'est là qu'on était venu lui serrer la main d'abord. Mais bientôt, les fumeurs avaient fait irruption dans la cuisine, et les femmes s'étaient groupées un peu partout. Il fallait bien le voir et l'entendre. Lui, il passait d'une pièce à l'autre, fier de cet empressement, agitant la grosse breloque d'or qui pendait à sa chaîne de montre et montrant comme par hasard l'énorme chaton qui lui embarrassait les doigts. Les Duvallon étaient accourus les premiers, le père, la mère et la fille. C'était là toute la famille maintenant. Ils ne demeuraient pas loin, la 4e terre en gagnant l'église. Ils avaient espéré presser sur leur cœur l'enfant prodigue, mais Jean-Paul ne se trouvait pas encore riche et il restait là-bas dans l'ennui, guettant une dernière occasion de réaliser de jolis bénéfices. Pourtant, il avait écrit qu'il partirait avec Mathias. Ils ne s'étaient jamais séparés. Et ils ne se séparaient jamais. Entre son vieux père et sa vieille mère, il pouvait vivre heureux sur le bien des ancêtres. Il avait même laissé deviner un secret qui jetait l'âme de sa sœur dans un 12e mois. Ils seraient, Mathias et lui, unis bientôt par un lien plus fort que l'amitié. Cela dépendrait d'elle, Joséphine. La mère du vallon pleurait. Joséphine se consolait, disant que c'eût été trop de bonheur à la fois. Le père était songeur et ne disait mot. « Il reviendra, » affirmait Mathias, « ne vous découragez point. Le temps de régler certaines affaires importantes, vous le reverrez, bien sûr. » Il m'a prié de vous embrasser tous et de vous dire de vivre sans inquiétude. Et nous autres qui comptions l'avoir à notre petite fête du foulage ? S'écria la mère du vallon en s'essuyant les yeux avec le coin de son tablier.